De l'inconvénient d'une faute d'orthographe par Gustave Lerouge. Nos lecteurs n'ignorent pas que la fête patronale de Neuilly-sur-Seine, aux environs de Paris, est une des plus importantes, sinon la plus importante des foires de France. Elle donne lieu à un déploiement de baraques extraordinaires et dure très longtemps. Sur la longue et interminable avenue de Neuilly, qui mène de la Porte Maillot au rond-point de la Défense de Paris à Puteaux, les baraques s'alignent, serrées, tassées les unes sur les autres. Manèges à chevaux de bois, tirs à la carabine, jeux de massacre, femmes torpilles et hommes canons, somnambules extralucides et musées de figures de cire, ce coudoir sans vergogne. Et parmi tous ces battleurs, désireux de ramasser le plus de gros sous possible, c'est à qui fera le plus de bruit, à qui inventera le meilleur moyen d'attirer l'attention du public badaud. Aux orgues à vapeur modulant mécaniquement la scie à la mode, avec accompagnement de tambours et de cymbales, répondent, sur un ton suraigu, les clapissements de la sirène à vapeur des montagnes russes. Aux boniments ponctués de coups de grosse caisse du pitre du cirque se mêlent les faux accords d'une dizaine de pistons et de trombones à coulisses, garnissant la galerie extérieure d'un théâtre de genre où l'on joue en l'espace de 25 minutes des drames tels que Fualdès, Les aventures de Monte Cristo ou Les mystères de Paris. Aussi, quand la fête bat son plein, que les instruments font rage, que tous les organes humains et mécaniques se mêlent, c'est une cacophonie sans nom, une mêlée indescriptible. Soleil, poussière aveuglante, poudrerisant les promeneurs et les marchandises indistinctement, rien ne manque à ces sortes de réjouissances populaires pour en écarter les gens sensés. Faut-il conclure de là que les gens sensés sont en bien petit nombre parmi nous, puisque la moindre des fêtes foraines attire les badauds par milliers? Et il faut bien le dire, ce ne sont pas seulement les enfants qui prennent plaisir à ces bruyantes et tapageuses exhibitions, les parents, les grandes personnes ne leur cèdent en rien sur ce chapitre, et vraiment, l'on ne saurait qui se gorge le plus parmi toutes de ces sucreries avariées poisseuses et de pains d'épices poussiéreux. Avouons aussi que certains spectacles méritent de retenir l'attention pour les amateurs d'émotions violentes. Je veux parler des ménageries et des dompteurs. Malgré l'odeur violente qui s'échappe des cages des fauves dissimulées sous les longues tentes en toile, ce sont encore ces baraques qui tentent le plus la foule. Bien que sceptiques pour la plupart à l'endroit de la prétendue férocité des félins encagés et soumis de leur plus tendre enfance à un régime abrutissant, les badauds aiment à s'arrêter devant ces fauves domestiquées. N'en a-t-on pas vu souvent chez qui un éclair de révolte déchaînait des instincts sanguinaires depuis longtemps assoupis? Il me souvient d'un Anglais original qui, pendant de longues années, s'attacha à la personne d'un dompteur connu, le suivant par monts et par veaux, ne manquant jamais une de ses représentations et semblant apporter aux exercices du belluaire une attention excessive. Tant et si bien qu'un beau jour, celui-ci, fatigué de cette poursuite et de cet intérêt confinant à la persécution, s'enquit de ce qu'était cet étranger et des motifs qui le pouvaient faire agir. Interrogeant directement ce singulier amateur, il lui posa la question à brûle-pourpoint. « Mais enfin, pourquoi ne manquez-vous jamais une de mes représentations? Je vous ai vu à La Haye, à Ambert, à Londres. Vous m'avez suivi en France, en Allemagne et en Autriche. Est-ce donc une passion pour les exercices auxquels je me livre, qui soit capable de vous faire agir? Peut-être désirez-vous apprendre le métier? Dans ce dernier cas, ajouta le brave homme, je suis tout prêt à vous donner des leçons. No, sir, répondit l'insulaire gravement. Si je vous ai suivi ainsi depuis près de 2 ans à travers toute l'Europe, si je vous suis encore, et si je vous suivrai peut-être demain, c'est que je voulais absolument en voir qu'aucun dompteur. « Yes, et j'attends. Je suis patient, très patient. » L'histoire ne dit pas quel accueil fit le belluaire à cet aveu dénué d'artifice, mais ce qu'on sait pertinemment, c'est qu'un jour l'Anglais arriva à ses fins. Il eut le great bonheur de contempler l'agonie du malheureux dompteur, dévoré par un de ses féroces pensionnaires. Sans aller loin dans cet ordre d'idées, il est bien certain que beaucoup de gens n'entrent dans les ménageries qu'avec l'espoir d'y ressentir une émotion violente et de contenter ce désir de bestialité qui sommeille au cœur des foules. Cette année-là, je me promenais tout doucement, gagnant les massifs du bois de Boulogne où je pensais trouver un peu de fraîcheur et d'isolement. À 7 heures de midi, le tapage des baraques faisait relâche, artistes et clients éprouvant en même temps le besoin de se restaurer avant d'affronter la fournaise de l'après-midi qui se préparait exceptionnellement chaude. Je ne sais si je vous l'ai dit, je suis ennemi des foulées du bruit. Aussi me réjouissais-je de franchir rapidement l'avenue de Neuilly avant le retour de la cohue. Le passage étant obstrué par la quadruple ligne des constructions légères qui constituait la fête, je dus faire le tour d'une immense galerie en planches qu'à l'odeur je reconnus être une ménagerie. Quand j'arrivai sur la place principale, je vis qu'une foule considérable stationnait devant l'établissement. Aucun bruit de parade ne me parvenait cependant aux oreilles. Le silence le plus complet régnait sur l'estrade aussi bien qu'à l'intérieur, et une pancarte manuscrite était clouée sur un des pilastres de l'entrée, à côté du comptoir des airs, où figurait probablement d'ordinaire la dame préposée au billet. Prêtre homme, je n'en suis pas moins curieux. Je m'approchai donc le plus possible, mais mes yeux de myope ne me permettaient pas encore de distinguer et de déchiffrer l'inscription. Je demandai à un voisin, « Qu'y a-t-il donc ?»« Ah, monsieur, un gros malheur !»« Il paraît que ce malheureux dompteur s'est fait dévorer par ses bêtes. » C'est donc cela que la ménagerie est fermée? Et sait-on quand l'accident s'est produit? Je ne pourrais pas vous le dire, monsieur, mais il ne doit pas avoir bien longtemps, car ce matin encore il me semble avoir vu du monde entrer et la musique jouer comme à l'ordinaire. Ici, un troisième personnage éprouva le besoin de placer un mot pour se faire croire mieux renseigné. Paraît que c'est une panthère de Sumatra, une panthère noire, qui l'a croqué, le malheureux. Depuis longtemps aussi, je me disais que cette sale bête-là lui jouerait un mauvais tour. Si vous l'aviez vue, monsieur, quand on ouvrait sa cage, les bonds qu'elle faisait, et ses cris, ses rugissements, c'était à faire trembler. N'empêche qu'il a bien un peu cherché ce qui lui arrive, fit un vieux monsieur chauve et bedonnant. A-t-on idée aussi de faire un pareil métier, d'aller se fourrer là où on n'a pas besoin d'aller, etc. La conversation devenait générale, et les critiques continuaient de plus belle à l'adresse du dompteur défunt. Je n'avais plus aucune raison de rester là, et je me disposais à m'en aller, tout en déplorant la fin terrible d'un homme certainement brave et énergique. Juste à ce moment, un grand gaillard chaussé de bottes à l'écuyère, vêtu d'un juste haut rouge à brandebourgs noirs, culotte de peau blanche, écarta simplement la foule d'un geste large et gravit l'escalier qui conduisait à l'escalier de la baraque. Après quoi, d'une voix fortement timbrée et légèrement gouailleuse, « Pas la peine de tant me plaindre parce que j'étais restauré. Faut bien que tout le monde vive. Maintenant, mesdames, messieurs, la grande séance est à 3 heures. Repas des animaux. Entrez dans les cages du lion Pluton, de la panthère de Sumatra et du terrible ours blanc des mers polaires par votre serviteur. L'honneur de votre visite. » Et décrochant son écriteau, cause de tout le rassemblement, l'homme disparut derrière la toile. Mais j'étais assez près cette fois pour avoir pu lire distinctement la mention manuscrite qui m'avait tant intrigué. Le dompteur a été mangé. Alors je compris tout. Faute d'un air, les imaginations avaient brodé un drame sur un fait d'ordre tout à fait secondaire, car le but du dompteur, en plaçant sa pancarte, était simplement de prévenir sa clientèle que la baraque était fermée à l'heure du déjeuner, pendant le temps qu'il était occupé à manger. À moins qu'il n'ait usé là d'un petit truc innocent pour se faire une bonne réclame. Mystère. C'était De l'inconvénient d'une faute d'orthographe, par Gustave Lerouge.